mauvaise graine dans ta vie. M sur l'agent, à la base je suis un bosseur. Arrêtez les fouilles musclées, bande de chiens bosseurs. Arrêtez de montrer sur TFA des perquisitions avec nos mères en pleurs. Sinon on fera toujours des clips, anti-flic c'est mort. Tu m'identifies, je suis un bambou la save. Tu te cites HLM un peu sale. Lève ton poing en l'air, connard. Arrête de postuler pour être contrôleur au CRS, genre t'as pas le choix. C'est chum ma gueule, tu mets des amendes à nos mamans noires et arabes qui souffrent pour nous faire graille. Sors pas la main, trop duc, t'es tordu, je suis sûr. Tu vendrais ta grand-mère pour 1 300 € brut. Ma soeur arrête le rap, c'est pas de la prophétie. De rapper sur trois, galère pour s'acheter un protège-slip. En plus de bien rimer, pour que ça paye, faut être blanche. Faire un gros tube et tu feras peut-être 100 000 ventes. Décoller les posters Scarface. Fils de pute, engraine les plus petits de la thèse. Toutes les sensations que ta meuf te donne avec son clitoris. Vois pas t'aveugler sur un fidèle qui crie. Arrêtez ce bordel, putain de merde. Arrêtez les joints dans les halls, les gars à Madaron qui passent. Arrêtez les viols, m'avez rendu violent avec vos films d'action. Arrêtez les scènes de cul pour mes petites sœurs. Arrêtez Bush avant les braqueurs. Oubliez pas de me le déchirer après son mandat. Soyez juste, arrêtez les préférences ethniques dans les boîtes d'intérim, les boycotts erronés. Arrêtez, arrêtez de me prendre pour Will Thor. Arrêtez de faire croire pour être crédible dans la rue. Faut avoir pris pour lui d'indépendant. C'est pas un gage de qualité, arrête de bluffer BD. T'es pas meilleur parce que tu fais moins de CD. Stop, c'est faux. Arrêtez de dépouiller le diamant de mon bled, le Zaire. J'arrêterai de voir. Arrêtez Pink TV, les gars, non baisse l'autodestruction. Pour nos mamans, les gars, normalement on doit stopper les embrouilles avec les flingues, les pattes. C'est trop de baie, si tu calmes, tu reviendras out. Avant de me casser les couilles avec ta religion, fais-moi voir tes photos souvenirs du paradis. Venez plus chercher des voix pendant les élections chez les basanés pour les niquer le reste de l'année. Stop les attouchements sur ta fille, voyou de studio. Arrête d'imiter 50, arrête de mentir au petit. Approche ton merde de Jean Gabin, connard à vous, t'es allé voir le psy. Bon le Zard, Paris Nord, supportez plus l'OM, écoutez plus Nolwenn, balancez plus l'orgueil. Arrêtez ce bordel, putain de merde. Arrêtez les joints dans les halls, les gars à Madaron qui passent. Arrêtez les viols, m'avez rendu violent avec vos films d'action. Arrêtez les scènes de cul pour mes petites sœurs. Arrêtez Bush avant les braqueurs. Oubliez pas de me le déchirer après son mandat. Soyez juste, arrêtez les préférences ethniques dans les boîtes d'intérim, les boycotts erronés. Arrêtez. On était contre l'État, les guerriers toxicaux vont nous mettre en retard. Brûlez les schlags, stoppez les extas. Arrêtez d'orienter mes frères et sœurs vers la classe ouvrière au lycée. Confonds pas terroristes et arabes, c'est laid. Oublie pas que Zidane a rendu la France célèbre. Arrêtez tout, fermez vos gueules. Yadra, le rap français, je vais lui casser un bras. Oh, j'ai dit plus la foumouk, il est de mon côté le vent. Rap français, je vais lui péter ses dents. Arrêtez ce bordel, putain de merde. Arrêtez les joints dans les halls, les gars à Madaron qui passent. Arrêtez les viols, m'avez rendu violent avec vos films d'action. Arrêtez les scènes de cul pour mes petites sœurs. Arrêtez Bush avant les braqueurs. Oubliez pas de me le déchirer après son mandat. Soyez juste, arrêtez les préférences ethniques dans les boîtes d'intérim, les boycotts erronés. Arrêtez. Despo Roots, Tiran, Kilomètre Team, Soldats sans grade. Despo Roots, rap hostile.